Pages arrachées à Sylvia Plath. Feuilleton en 5 épisodes proposé par Béatrice Leca. Une réalisation de Michel Sidorov. 4e épisode. Ariel. Un moment de stase dans l'obscurité. Puis l'irréel écoulement bleu des rochers, des horizons. Lionne de Dieu, nous ne faisons plus qu'un. Pivot de talons, de genoux, le sillon s'ouvre et va, frère de l'arc brun de cette nuque que je ne peux saisir. Yeux nègres, les murs jettent leurs obscurs hameçons. Gorgés de douce en noir, leurs ombres. Cette autre chose qui m'entraîne fendre l'air, cuisses, chevelure, jaillit de mes talons. Lumineuse Godiva, je me dépouille, main morte, mortelle austérité. Je deviens l'écume des blés, un miroitement des vagues. Le cri de l'enfant se fond dans le mur, et je suis la flèche, la rosée suicidaire accordée, comme un seul qui se lance et qui fonce sur cet œil rouge, le chaudron de l'aurore. En mars 1956, Sylvia Plath rencontre le poète anglais Ted Hughes. Ils se marient le 16 juin à Londres. Le 5 juillet, ils partent en train pour l'Espagne. Après avoir renoncé à s'exiler en Australie, Ted envisage d'y enseigner l'anglais pendant quelques mois, en attendant que Sylvia termine ses études à Cambridge. Le 9, après un bref séjour à Madrid, le couple prend la route du sud en direction d'Alicante, puis de Benidorm, qui n'est alors qu'un village de pêcheurs sur la Costa Brava. Benidorm, juillet-août 1956. 22 juillet 1956. Il n'est guère plus tard que 8h30 du matin, et nous nous habituons déjà à notre nouvelle routine stricte dans la nouvelle maison. Ted et moi nous sommes éveillés vers 7h, avons fait la chasse aux mouches, écouté les clochettes des charrettes à ânes et le cri « Yahoy !» de l'aimable boulangère avec son panier de petits pains au sucre. Je me suis ensuite levée et j'ai pris le lait que nous avions bouilli hier, mis à réchauffer pour mon café con leche, et le lait au brandy de Ted, qu'il a dégusté avec sucre et banane. Après avoir nettoyé la cuisine et la chambre, j'ai rejoint Ted dans notre magnifique salle à manger spacieuse que nous consacrons exclusivement à l'écriture. Les murs propres badigeonnés de blanc et l'immense table de chêne noir, le sol dallé frais et les grandes fenêtres claires en font un lieu idéal pour travailler sans être dérangé. Devant la petite fenêtre, la table avec ma machine à écrire surplombe notre porte d'entrée et donne, au travers des feuilles tombantes de la tonnelle de vigne, sur la colline de pueblos blancs qui s'étend au loin devant nous. Notre nouvelle maison est splendide. Nous continuons à nous émerveiller de l'avoir acquise pour l'été au prix même que demandait la veuve Mangada pour une petite pièce bruyante, une minable salle de bain sale, une cuisine infestée de fourmis, les deux devant être partagés avec les autres, ces ports d'Espagnols, et une terrasse sur la mer, ou plutôt sur le boulevard rempli d'une foule qui klaxonnait ou nous dévisageait d'un air hébété. Terrasse qui s'est révélée être non pas le meilleur élément, mais le pire. Ted battait en retraite sur les lits de la sombre pièce du fond, tandis que sur le balcon, après 10h du matin, j'avais plus conscience des regards qu'on me jetait que de la machine à écrire devant moi. À présent, nous avons une paix totale. Nulle personne agitée pour se précipiter de manière théâtrale dans ma nouvelle cuisine, m'arracher les pommes de terre des mains et me montrer comment elle les pèle, ou pour aller voir sous les couvercles de mes poêles à frire sur la gazinière. On nous laisse absolument tranquilles. Les deux premiers jours, nous nous remettions encore de notre mois de courses affairées à l'extérieur et de nos émotions pendant la semaine passée chez la veuve. Il y a eu les coups de marteau incessants des ouvriers dans la cuisine et la salle de bain, en train d'installer la pompe à eau pour la douche, les toilettes et les robinets. Hier, ils ont enfin terminé, rebouché les trous avec du plâtre, et nous avons de l'eau propre étincelante, froide mais merveilleuse. C'est bien supérieur à la plomberie et à l'installation électrique antique et défectueuse de la veuve. Tout se passe à merveille dans ce nouvel endroit. J'ai très fortement le sentiment que c'est et que ce sera dans les 10 semaines à venir la source de notre vie créative et de notre écriture. Hier, Ted m'a lu 3 nouvelles fables qu'il venait d'écrire pour son beau livre sur les animaux et leur évolution. La fable de la tortue était la plus drôle et la plus attachante jusqu'à présent. Celle de la hyène plus sérieuse, c'est un personnage amer, dénaturé. Et celle du renard et du chien merveilleuse, avec une intrigue si vivante. J'ai très bon espoir que ce livre devienne un classique pour enfants. Au moment même où j'écris, Ted travaille sur la grande table à l'histoire de l'éléphant et à celle du grillon. Vivre avec lui, c'est comme se faire raconter perpétuellement une histoire. C'est l'esprit le plus vaste et le plus imaginatif que j'ai jamais rencontré. Je pourrais vivre à jamais dans ces contrées en expansion. Je sens aussi une énergie nouvelle qui se déverse directement dans mon propre travail. Et je vais briser cette semaine le maléfice qui pèse sur mes nouvelles, en essayant d'écrire l'histoire de la corrida. Et peut-être une autre sur la veuve Mangada. Drôle ? Ainsi que des chapitres de mon nouveau roman qui pourraient faire des articles pour Harper's. Et encore un autre article sur Benidorm, avec des croquis, pour The Christian Science Monitor. Il faut que j'apprenne l'espagnol et que je traduise aussi du français. De ma vie, je n'ai connu conditions aussi idéales. Un mari beau, brillant, magnifique. Elle est loin l'époque minable où mon égo se satisfaisait, à moitié, de la conquête plus facile à chaque fois de ces hommes frêles. Une grande maison, tranquille, sans visite, ni téléphone, ni interruption. Au bas de la rue, la mer, et en haut, les collines. Absolu bien-être mental et physique. Avec chaque jour, l'impression d'être plus vigoureuse, et plus en éveil. Le couple rentre aux États-Unis en juillet 1957. Aurélia, la mère de Sylvia, organise une réception pour fêter leur mariage et le retour de sa fille au pays natal. Le couple part ensuite pour Cape Cod et la forêt de pins d'Eastham, pour un séjour de 7 semaines dans une maison au bord de l'océan que leur offre Aurélia en cadeau de mariage. Sylvia partage son temps entre lecture et travaux d'écriture, parmi lesquels le roman qu'elle projette d'écrire depuis plusieurs années et qui deviendra La cloche de verre. Cape Cod, mercredi 17 juillet. À partir d'aujourd'hui, sans faute, une page de journal par jour pour s'échauffer. Toutes mes joies, amour, célébrité, travail vital et a priori enfant, tout dépend de ce besoin central dans ma nature de formuler, marteler ces grandes lames d'expérience qui se sont accumulées, tassées en moi jusqu'à me gaver ces 5 dernières années. Et aussi avant, même si avant il n'y avait pas la même urgence, parce que le flot de l'expérience était plus lent, suffisamment digeste pour s'écrire en nouvelles et poèmes, avec une certaine facilité enviable à présent. Bien que cette facilité soit aujourd'hui incapable de contenir et de présenter l'expérience qui monte en moi, avec la richesse et la plénitude d'un fruit sur un plat de faïence bleu et blanc. De toute manière, si je n'écris pas comme ces derniers 6 mois, mon imagination s'arrête, se bloque et me suffoque au point que toute lecture se moque de moi. Écrit par d'autres, pas par moi. Cuisiner et manger me dégoûtent, pure activité physique, rien de mental, et la seule chose qui me soutienne, sans que j'en profite pleinement, est l'amour profond et infini dans lequel je baigne. Et l'exceptionnelle compréhension de Ted, qui est presque sans fond. Sans cela, je courrais en tous sens à la recherche d'une consolation sans jamais la trouver, et sans pouvoir garder ce centre fixe d'une détermination tranquille et implacable que je conserve même à présent, après une de mes plus grandes sécheresses, ça va venir si je travaille. Hier, premier jour de travail, mauvaise journée. Passer du temps sur une idée psychologique désespérément complexe et trouver peut-être une bonne image, le jeune garçon qui a tout l'océan en bouteille dans la tête, en regard de tout un tas de choses artificielles, contraintes et sèches, qui ne relèvent pas de mon être profond. Ce mauvais début m'a déprimée de manière inhabituelle. Je n'avais plus faim ni envie de faire la cuisine, à cause de la bestialité qu'il y a à manger et cuisiner sans pensée intense ni création. Arrivé trop tard à la plage, après une marche étouffante au soleil sur le bas-côté en gravillon de la route 6. Voiture mortelle de couleur rose, jaune et pistache, qui passe à toute vitesse comme des objets tueurs envoyés sur un tempo mécanique d'une autre planète. Du verre brisé, puis l'ombre d'un pin de Virginie au-dessus de Brackett Road. La fuite brusque des oiseaux et des écureuils dans les sous-bois, des arbustes aux baies vertes, et puis le goudron nu. Une grande portion bleue d'Atlantique en bas de la falaise à Nauset Light, et un bain dans l'eau verte tiédasse pleine d'algues à me laisser soulever par les grandes vagues du changement de marée. Je me suis couchée au soleil tout en haut de la plage, mais il était froid et le vent plus encore. Des pulsations dans ma gorge, comme de grands coups, boum, boum. Et puis retour en voiture, de mauvaise humeur. Je fais une mayonnaise qui prend très bien, c'est parfait. Ensuite, au dîner, manger avec le poème mal engagé qui pèse comme l'albatros au cou de la journée. Et rien d'autre. Les tables et les chaises insultantes dans leur manière d'être, alors qu'un être humain essaie de vivre leur simple vie phénoménale et échoue lamentablement. Elles deviennent suffisantes, du genre, je vous l'avais bien dit. Ciel, nous sommes le 9 août, un vendredi, si proche de la date inconfortable du déracinement absolu, par un clair matin blanc-bleu, vers 9h30. Et moi, je suis en train d'écrire avec détachement et précaution environ 14 vers de mon long poème dialogué, avec deux personnes qui se disputent autour d'une planche de Ouija. Ça donne une impression de conversation malgré les strophes de 7 vers en pentamètre très travaillés, avec des rimes en AB, AB, CBC. Et c'est plus ambitieux que tout ce que j'ai fait, même si j'ai l'impression de le fabriquer, comme une couverture en patchwork. Avec seulement l'idée générale que le résultat doit avoir une forme rectangulaire, mais sans voir comment les pièces multicolores doivent logiquement s'assembler. Du moins, cela me libère-t-il de l'incroyable sensation de constriction que j'éprouve lorsque je cherche des sujets pour de méchants petits poèmes. Avec toujours ce sentiment qu'il devrait être parfait. D'où cette apparence artificielle, lisse et brillante. Je vais essayer de m'en sevrer pour me livrer à de petits exercices poétiques quotidiens dans un esprit, qu'il soit publié ou non, je m'en fiche. Je suis très consciente de mon problème, qui est de combler le fossé entre l'adolescente brillante et publiée qui est morte à 20 ans et l'adulte mûr et potentiellement doué qui commence à écrire à 25. Tentation de m'accrocher aux vieux trucs sentimentaux et lyriques que je faisais. C'est dans la prose que je mesure mon retard, n'ayant pas publié une nouvelle en 5 ans. Il est moins facile de faire venir à maturité la prose que la poésie, qui peut, du fait de sa brièveté et aussi de ma pratique formelle, donner une impression de complétude. Mon problème principal est que j'explore des sujets très riches et qui ont une forte réalité pour moi, en oubliant qu'il peut y avoir un autre public que Ted et moi. Jamais dans ma vie, à l'exception de ces étés et automnes mortels de 1953, je n'ai traversé de période aussi noire et létale que ces deux dernières semaines. Impossible d'écrire un mot pour en parler, alors que je le faisais dans ma tête. L'horreur plus certaine, jour après jour, d'être enceinte. Souvenir de mon insouciance grandissante à l'égard de ma contraception. Comme s'il était exclu que cela m'arrive en ce moment. Et clac, clac, toutes les portes l'une après l'autre qui se ferment avec fracas, sous cette menace terrifiante qui, je le sais à présent, signifierait ma fin, probablement celle de Ted, et de notre écriture, et de la possibilité de notre union parfaite, invincible. Il y a les réalités qui approchent et miroitent. Mon poste à Smith, dont j'ai plus besoin que tout pour me donner le sentiment du réel, d'être précisément utile jour après jour et de rencontrer d'autres esprits, de travailler et m'entraîner avec eux. Ou alors notre avenir, c'est Ted sans travail, moi sans travail, une avalanche de factures qui va nous endetter et, pire que tout, cette haine, la haine de l'intrus. Alors que dans 4 ans, par exemple, nous pourrions être les meilleurs parents du monde. Et aussi l'idée de 20 ans de chagrin. D'un enfant non aimé parce qu'il aurait, par inadvertance et par notre faute, détruit notre être psychique et spirituel, qui se trouverait immobilisé, gelé par la nécessité de tout sacrifier pour gagner de l'argent. Alors nous sommes restés à la maison, malades, comptant les jours du plus long cycle que j'ai jamais eu, 35, 40 jours. Ensuite, il y a eu les séances à pleurer dans le cabinet du médecin, la prise de sang dimanche, sous des avalanches de pluie et de tonnerre, à bicyclette sur les routes ruisselantes, enfonçant jusqu'aux genoux dans l'eau qui montait centimètre par centimètre, trempé jusqu'à l'os, courbé à nous rompre sous la foudre. Sur un pont, j'ai vu une image du jugement dernier, coup de tonnerre et ultime bûcher électrique. Mais il ne s'est rien passé. Rien jusqu'à lundi. Où, après avoir trompé mon attente en m'occupant à faire des courses, je me suis mise à ma machine à écrire. Et là est venue la coulée chaude, la tache rouge, tant souhaitée et attendue pendant les minutes sinistres de ces 6 semaines, blanches et stériles. Et j'ai juré à tous les dieux ou destins possibles de ne jamais plus me plaindre ni me lamenter à condition qu'il n'y ait pas de bébé, le pire absolu, hormis les mutilations physiques, maladies et morts, ou la perte d'un amour. Et très exactement dès le lendemain, j'ai dû affronter ce qui vient juste après tout cela dans l'ordre du pire, le refus de mon recueil de poèmes, après un faux espoir donné presque avec malveillance par ma mère, et après 6 mois à espérer, et même à compter sur ce fichu bouquin. C'était comme si on m'avait renvoyé le corps d'un amant cancéreux que j'espérais mort, en sécurité à la morgue sous une couronne de fleurs pour commémorer le passé. Retour du recueil, donc, avec la détresse de savoir que la moitié des poèmes, ceux qui avaient été publiés, n'étaient plus, ou ne seraient certainement plus dans 2 ans acceptables à mes yeux, en raison de leur caractère malicieux ou léger, d'une suavité distinguée. Et je me retrouve de nouveau liée à ce fichu recueil. Et j'enlève les mauvaises herbes, jadis pittoresques mais plus du tout aujourd'hui, de ce jardin qu'elles ont envahi. Et si A.C. Rich n'était pas si ennuyeuse, si Donald Hall n'était pas si ennuyeux, tous deux qui ont 100 de pages de poèmes ennuyeux publiés, je ne me sentirais pas si nulle. Cela m'aurait soutenue pour mon travail à Smith, et donné une prise sur mon travail d'adulte, au lieu de devoir continuer à partir d'un trou de 5 ans et de seulement 16 poèmes publiés l'année dernière. Pire encore, je me sens si misérable que je me tracasse à propos de Ted. Son succès, dont il faudra que je m'occupe à l'automne en plus de mon travail, me réjouit, j'en suis ravie pour lui. Mais j'aimerais vraiment le partager, nous nous sentirions beaucoup mieux tous les deux. Cela dit, si un seul de nous deux doit réussir, je préfère que ce soit lui. C'est pour ça que j'ai pu l'épouser, parce que je savais que c'était un meilleur poète que moi, et que je n'aurais jamais à restreindre mon petit talent, mais pourrait au contraire le travailler, le pousser au maximum, et sentir encore Ted loin devant moi. Il faut que je parvienne à un état de stoïcisme, que je reprenne le travail et l'attente. Ce qui m'est arrivé est particulièrement malheureux. De 17 à 20 ans, une jeunesse brillante, étincelante, puis une rupture. et ce calme plat que je combats maintenant pour faire accéder à ma machine à écrire l'expérience de mes premières années de maturité. En mars 1958, alors que Sylvia enseigne au Smith College et qu'elle est rassurée financièrement, le magazine Art News lui commande une série de poèmes consacrés à la peinture. Avec un enthousiasme régénérateur et une énergie frénétique, s'entourant de nombreux livres d'art qu'elle emprunte à la bibliothèque, elle se lance dans la rédaction de ses textes. Samedi matin, 29 mars. Enseigner m'a fait beaucoup de bien. Je le vois à la manière dont mes poèmes ont jailli la semaine dernière, comme une voix vaste et ample qui tonne et chante la joie, la tristesse ou des visions profondes de mondes étranges, exotiques et terrifiants. Nous voulons acheter des livres d'art, Quirico, Clé. J'ai écrit deux poèmes sur des toiles de Quirico qui ont frappé mon imagination, Les Muses inquiétantes et On the Decline of Oracles, d'après une de ses toiles de jeunesse, L'énigme de l'oracle, et deux sur des toiles de Douanier Rousseau, un poème d'humeur, frais et rêveur, Charmeur de vipères, et le dernier de la série de 8, une sextine sur Yadwiga, le rêve. Je recopie quelques citations prises dans un poème en prose de Quirico ou dans son journal, et qui ont une extraordinaire faculté de me toucher. J'ai mis la première en épigraphe à mon poème On the Decline of Oracles. Dans un temple en ruine, la statue brisée d'un dieu parlait une langue mystérieuse. 2. Ferrare, l'ancien ghetto où l'on pouvait trouver des sucreries et des biscuits de forme très étrange et métaphysique. 3. Le jour point. C'est l'heure de l'énigme. C'est aussi celle de la préhistoire. Le chant rêvé, révélateur de la fin. Rêve matinal du prophète endormi au pied de la colonne sacrée, près de la froide blancheur du simulacre divin. 4. Que puis-je aimer d'autre que l'énigme ? Et partout dans les villes de Quirico, il y a un train pris au piège lâchant ses nuages de vapeur dans un labyrinthe de lourdes arches, voûtes et arcades. La statue gisante d'Ariane abandonnée, endormie, au milieu de places vides, dans une obscurité mystérieuse. Et les longues ombres projetées par des silhouettes invisibles. Impossible de dire si elles sont humaines ou de pierre. Ted a infailliblement raison lorsqu'il critique mes poèmes pour suggérer, ici ou là, le mot « juste », remplaçant « admiration » par « émerveillement », etc. En toute arrogance, je pense avoir écrit des vers qui me permettent de prétendre au titre de poétesse de l'Amérique, tout comme Ted sera le poète de l'Angleterre et ses colonies. Des rivales ? Disons par le passé, Sappho, Elizabeth Barrett Browning, Christina Rossetti, Amy Lowell, Emily Dickinson, Edna St. Vincent Millay, toutes sont mortes. Aujourd'hui, Edith Sitwell et Marianne Moore, les grandes figures vieillissantes, et Phyllis McGinley, ma marraine en poésie, qui n'est plus dans la course, s'étant vendue avec ses poèmes légers. Alors plutôt Mae Swanson, Isabella Garner, et plus près, Adrienne Cecil Rich, qui ne vont pas tarder à être éclipsés par les 8 poèmes que je viens d'écrire. Excitée, je m'impatiente, sûre de mon talent, voulant seulement l'exercer et l'enseigner. On va voir combien de magazines vont ouvrir leurs pages et combien d'argent va tomber avec ces 8 meilleurs poèmes. C'était Pages arrachées à Sylvia Plath, feuilleton en 5 épisodes proposé par Béatrice Leca, avec Élodie Hubert, Flora Brunier, Stéphanie Schwarzbrot, Nicolas Struve. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts, Pierre Henry. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidoroff.